Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Marvelicious. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je prépare cet épisode depuis fort longtemps et je désire vous plonger dans un sujet qui font vibrer les fans du monde entier. C'est le retour tant attendu de Robert Downey Jr. dans le MCU. Depuis son départ émouvant dans Avengers Endgame, les fans n'ont cessé de spéculer sur un éventuel retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. Plusieurs facteurs ont contribué à son retour, tant attendu par tous, même par moi d'ailleurs. Mais bon, tout d'abord la demande des fans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fans du MCU ont exprimé un véritable désir constant de revoir Robert Downey Jr. dans le rôle emblématique de Tony Stark. Son personnage était un pilier central de l'univers du MCU et son absence a laissé un vide que beaucoup souhaitent voir comblé. Le deuxième facteur, c'est le fait que, dorénavant, le MCU s'est consacré au multivers. Avec l'introduction du multivers dans le MCU, il est possible désormais de ramener des personnages d'univers alternatifs sans annuler les événements passés, et notamment les événements de notre Terre 616. L'idée du multivers a permis de ramener Robert Downey Jr. dans le MCU en tant que Tony Stark ou en tant que Docteur Doom, comme nous avons pu le voir. Robert Downey Jr. revient dans le MCU, c'est officiel. Et pour ma part, j'ai envie de dire « enfin ». Alors, beaucoup se posent la question, quelle implication pour l'avenir de la franchise avec le retour de Robert Downey Jr. Eh bien, j'ai pu, ou du moins en réfléchissant, je peux voir quatre implications importantes pour l'avenir de la franchise. La première implication, c'est le fait que le MCU a retrouvé sa cote de popularité. Le retour de Robert Downey Jr. a permis de revitaliser l'intérêt pour le MCU, attirant à nouveau les fans de longue date et suscitant l'enthousiasme pour les futurs projets. Le deuxième impact sur le MCU, c'est l'exploration du multivers en tant que tel, avec Tony Stark de retour, ou du moins Robert Downey Jr., grâce au multivers, le MCU va pouvoir explorer de nouvelles histoires, de nouvelles dynamiques entre les personnages. Le MCU peut tout à fait faire revenir un Tony Stark à l'image de Robert Downey Jr. d'un autre multivers. Enfin, d'un autre univers. Cela peut ouvrir la porte à de nouvelles intrigues, mais aussi à de nouvelles histoires. La troisième implication, c'est que le retour de Robert Downey Jr. va permettre de nouveaux défis narratifs. Le retour de Robert Downey Jr. pourrait introduire de nouveaux défis pour les héros actuels du MCU. Imaginez Spider-Man retrouvant son mentor. Imaginez Thor retrouvant son ami et allié. Sera-t-il méchant? Sera-t-il gentil? Imaginez la surprise de nos héros de la Terre 616 retrouvant le visage de leur ami et allié. Le fait est que le retour de Robert Downey Jr. fait que le visage restera le même, mais sera-t-il un super vilain ou un super gentil? Quatrième implication, et la dernière pour moi, c'est que le retour de Robert Downey Jr., qu'il intègre Tony Stark ou un autre personnage, eh bien, pourrait avoir un impact émotionnel fort sur les fans, en plus des personnages. Cela pourrait offrir des moments de nostalgie, des moments poignants, mémorables, qui nous rappellent, bien entendu, l'attachement que nous avions tous pour Iron Man. Il faut dire que Robert Downey Jr. interprétait Tony Stark à la perfection et que on a tous un peu de mal à voir un autre acteur incarner ce personnage. Certains diront « Oui, mais Tom Cruise pouvait être aussi sur les starting blocks, entre guillemets. » Mais personnellement, en tant qu'un spectateur nostalgique, j'ai du mal à voir un autre acteur que Robert Downey Jr. tellement qu'il incarnait le super-héros à la perfection. En résumé, le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU, c'est aussi avant tout une décision stratégique qui va pouvoir revitaliser la franchise, mais aussi offrir de nouvelles possibilités narratives passionnantes. Ceci étant dit, je voudrais rappeler que le MCU tire ses idées des comic books Marvel. Par exemple, la série Secret Invasion tire ses idées du comics Secret Invasion. Actuellement, Agatha, la série, avec la route des sorcières, cette idée est tirée également d'un autre comics, qui s'appelle d'ailleurs La Route des Sorcières, qui est une histoire avec Scarlet Witch. Je peux tout aussi bien reprendre le TVA aussi, qui est tiré d'un vieux comics d'ailleurs. Voilà. Donc je peux le faire ça à chaque fois, si je prenais à chaque fois un épisode ou un film, une série pardon, ou un film qui sort, à chaque fois je vous dirais, bah tiens, ça c'est tiré de tel comics ou de tel comics, bref, je n'en finirai pas. Alors, je me propose de vous préparer, ou même plutôt de vous présenter, un comic book Marvel qui interroge sur l'avenir du MCU. Des comic books notamment qui permettent aussi de théoriser sur l'avenir du MCU. Des comic books où on peut voir que l'histoire pourrait servir d'idée pour les projets du MCU. Alors avec l'actualité, je vous propose de parler des liens entre Dr. Doom et Tony Stark dans les comics. Vous verrez ainsi, et c'est pour moi une idée qui m'est personnelle, que le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU n'est pas une chose faite au hasard, mais je pense que c'est un retour qui est très réfléchi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux génies de l'univers Marvel se sont souvent croisés le fer dans les pages des comics, et leur relation est bien plus complexe qu'un simple antagonisme. Parce que oui, Iron Man et Dr. Doom se sont déjà affrontés. Dr. Doom, alias Fatalis, n'a pas eu comme seul ennemi les quatre fantastiques. Laissez-moi donc vous présenter le comics What If Iron Man Demon in an Armor. Bon, je le dis très mal en anglais, mais ça veut dire Iron Man, un démon dans une armure. Bon, vous m'excuserez pour cet accent anglais, mais voilà, j'étais au maximum là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce comics est disponible uniquement en anglais. Je ne vous cache pas qu'il est facile à lire. Il est uniquement disponible en France en version numérique. Moi, je l'ai lu sur ma tablette et je l'ai acheté sur Amazon 2€. Voilà, ça fait 31 pages. Et honnêtement, je ne suis pas bilingue, je me débrouille quand même un petit peu en anglais. Et j'ai tout compris. Voilà, pour vous dire que le niveau de difficulté n'est pas non plus difficile. Et ce qui est marrant, c'est que à la fin du livre, les dernières pages sont un bonus où on voit Venom prendre possession de Deadpool. Voilà, donc c'est quelques pages, hein, y a pas tout de l'histoire, mais ça peut être intéressant et ça donne d'ailleurs envie de lire un autre What If. Bref, c'est un comics What If. Les What If sont connus pour être une série d'anthologies publiées par Marvel Comics. Ce sont des histoires qui explorent comment l'univers Marvel aurait pu se dérouler si des moments clés de son histoire n'avaient pas eu lieu, comme ils l'ont fait dans la continuité principale, du style, et si c'était pas Peter Parker qui était mordu par l'araignée, mais Norman Osborn, etc., etc. Bref, chaque numéro présente une réalité alternative, offrant au lecteur une nouvelle perspective sur leur personnage et un événement marquant de ce dernier. C'est d'ailleurs le principe du multivers. Voilà, si vous voulez savoir plus loin sur What If, vous avez une série sur Disney+, qui se nomme d'ailleurs What If, dont je suis d'ailleurs fan pour ceux qui ont pu écouter le podcast dédié. Il y a 2 saisons actuellement, il y en a une 3e qui va arriver, je crois, l'année prochaine, je l'attends d'ailleurs avec impatience. Mais bref, le comics dont je vais vous parler a pour sous-titre « Et si Tony Stark devenait le Dr. Doom ?» L'histoire commence il y a 20 ans, lorsque Tony Stark, un jeune prodige milliardaire, est transféré dans une prestigieuse université. Par un coup du sort, il devient le colocataire de Victor Von Doom, un étudiant brillant, mais pauvre, originaire de la Derry. Les deux jeunes hommes, bien que très différents, partagent une passion pour la science et la technologie. À la différence de certains comics, on peut voir, ou du moins sur la timeline, on va dire, classique, eh bien, on peut voir que Dr. Doom n'est pas le dictateur de la Latvérie. Mais dans ce comics, on voit très vite que Victor Von Doom est jaloux du génie et des ressources de Tony Stark. Il décide donc d'élaborer un plan machiavélique pour échanger leurs esprits. C'est alors que Victor Von Doom eut une idée. Il invite Tony Stark à le rejoindre dans les sous-sols de l'université pour lui montrer une machine qu'il est en train de fabriquer. Et pour cela, il longe de nombreux couloirs pour atteindre la salle où se situe la machine. Arrivé à la machine, Victor Von Doom explique qu'il craint pour sa bourse universitaire. Et il parvient à persuader Tony Stark de l'aider à construire sa machine. Et Tony Stark, bonne patte, lui offre son aide. La machine est terminée, et lors de l'expérience scientifique finale, Doom manipule délibérément la machine et parvient à transférer son esprit dans le corps de Tony Stark. Et Tony Stark se retrouve dans le corps du Dr. Doom. Cet échange d'esprit a des conséquences dramatiques. Tony, maintenant dans le corps de Doom, est blâmé pour l'incident. Sa mémoire est effacée et il est déporté en tant que simple citoyen latvérien disgracié. Pendant que Doom, lui, dans le corps de Tony Stark, profite de ses ressources et de ses influences. Pendant la lecture, on remarque que Victor Von Doom, dans le corps de Tony Stark, monte en puissance. En effet, Victor Von Doom, maintenant dans le corps de Tony Stark, utilise son génie et les vastes ressources de Stark Universal. Bah oui, parce que dans ce comics-là, ce n'est pas Stark Industries, mais Stark Universal. Cependant, il n'est pas le héros que nous connaissons. Doom, avec l'intelligence de Stark, devient une force redoutable, combinant la technologie avancée d'Iron Man avec ses propres ambitions et sa soif de pouvoir. D'ailleurs, sur ce point, on remarque vite, en quelques images, que même le père de Tony Stark ne reconnaît pas son fils unique. Doom commence à imposer sa volonté sur le monde, utilisant la technologie de Stark Universal pour des fins personnelles, et il commence à étendre son influence à travers le globe. Il décide de créer une armure, l'armure d'Iron Man, mais celle que nous connaissons est de couleur rouge et or. Celle dans ce comics et de couleur verte et de couleur métal, comme le costume classique de Fatalis. Pendant ce temps, Tony, dans le corps de Doom, doit survivre dans la pauvreté, l'alcoolisme et la dépression. On constate, en tournant les pages, que Tony est confronté à des conditions de vie difficiles, loin de l'époque où il était encore dans son corps. Cependant, malgré les obstacles, les déconvenues, la réputation, Tony commence à recouvrer des fragments de sa mémoire et à comprendre la vérité sur ce qui s'est passé. Il travaille sans relâche et obtient son PhD, un doctorat, de fait, et devient le Dr. Doom, mais aussi le créateur du réacteur Arc. Donc là, de fait, on est comme notre Terre 616. Tony Stark est bien celui qui crée le réacteur Arc, mais ici dans la peau du Dr. Doom. Le point culminant de l'histoire est une confrontation épique entre Tony Stark dans son armure improvisée et Victor Von Doom dans l'armure d'Iron Man. Ce combat est dû au fait que Dr. Doom, dans la peau de Tony Stark, souhaite s'accaparer les plans du réacteur Arc. Il se dirige, dans son armure d'Iron Man, vers le laboratoire de Doom Industries. Il vole les plans et détruit le laboratoire. On reconnaît ici toute sa volonté de mettre à mal son concurrent direct, Tony Stark, dans la peau du Docteur Doom. Alors pourquoi je dis que l'armure de Tony Stark dans la peau du Docteur Doom paraît improvisée? L'impression est qu'il a peu de moyens pour pouvoir se construire sa propre armure, et donc il a une armure qui ressemble à celle et au costume de Fatalis, sauf que la cape n'est pas verte mais elle est rouge, et l'armure n'est pas couleur métal mais couleur or. Bref, la bataille entre les deux est intense, elle est pleine de suspense, elle se déroule sur plusieurs pages, et on voit Tony, dans le corps du Docteur Doom, utiliser toutes ses compétences et son intelligence pour déjouer les plans de Doom. Alors, pas de surprise, c'est Tony Stark, dans la peau du Docteur Doom, qui gagne en utilisant une ruse assez ingénieuse, puisqu'en fait, il parvient à faire exploser les missiles de l'armure de Doom avant que ce dernier les lance, et Doom est mis directement hors de combat. Alors, face à cet échec, et craignant des représailles, Doom propose à Tony de lui rendre son corps et de rétablir la vérité. Cependant, dans un retournement final, Tony rejette l'offre, car il estime que le nom de Stark est désormais synonyme des actes maléfiques de Doom. Tony décide donc de rester dans le corps de Doom. Ce que j'aime chez les comics, c'est qu'il y a la présence de thèmes que souhaitent aborder les auteurs. Cette fin poignante explore les thèmes de pouvoir, d'identité et de rédemption, laissant les lecteurs avec une réflexion profonde sur les choix et les circonstances qui façonnent nos vies. Vous comprendrez que je vous ai fait un très large résumé de l'histoire, mais c'est volontaire car je vous invite à lire ce comics de quelques pages qui fait le régal des fans d'Iron Man et du Docteur Doom. L'histoire fourmille de détails. L'histoire est empreinte d'un scénario passionnant. Les dessins et les couleurs sont magnifiques. Allez donc lire ce comics, What If, et si Iron Man devenait Docteur Doom, et pour seulement 2 euros, je peux vous dire que ça vaut le coup. Bonne lecture, merci pour votre écoute, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao !